ce qu'il faut bosser pour vivre, mais moi j'ai du mal à suivre. Et des fois ben ça fait trop. Je voudrais tracer ma route et puis foncer au mois d'août. Mes collègues jouent au con, mon patron c'est leur champion. Je veux m'enfuir coûte que coûte au bord de la mer et plonger dans le sable chaud. Pour qu'enfin, une fois passé l'hiver, l'été c'est trop bien quand il fait beau. Et les mains dans les poches à rien faire, pour voir le sable et les bateaux. Là où rien ne pourrait me déplaire, j'irai bien m'asseoir. Avec mon boulot débile, quand je regarde à la fenêtre, le soleil peine à paraître. Il fait bien froid pour avril. Je n'ai jamais eu de chance et je rumine en silence. Devrais-je quitter mon travail? Faut-il que je m'en aille et puis partir en vacances au bord de la mer et plonger dans le sable chaud? Pour qu'enfin, une fois passé l'hiver, l'été c'est trop bien quand il fait beau. Et les mains dans les poches à rien faire, pour voir le sable et les bateaux. Là où rien ne pourrait me déplaire, j'irai bien m'asseoir au bord de l'eau. Dans la grande ville il fait sombre, je me perds parmi les ombres. J'aimerais fuir cette vie morose, quand pourrais-je faire une pause? M'envoler comme un colon. Mais la paperasse m'attend, pianote devant l'écran. Même s'il faut se faire une raison, je rêve de l'horizon, là où le soleil est grand, au bord de la mer et plonger dans le sable chaud. Pour qu'enfin, une fois passé l'hiver, l'été c'est trop bien quand il fait beau. Et les mains dans les poches à rien faire, pour voir le sable et les bateaux. Là où rien ne pourrait me déplaire, j'irai bien m'asseoir au bord de l'eau. Je n'ai pas pu résister, jeudi soir j'ai craqué. Au milieu d'une réunion, j'ai traité mes collègues de cons. Mon patron j'ai taloché, je l'ai frappé un peu fort, puis un long silence de